89.1. CKRL. À Québec. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, nous vous proposons un retour dans le passé. 30 ans en arrière, pour être plus précis, 1991. Pourquoi 1991? Parce que c'est l'année que des groupes comme Anecdoten, Anklagard et Land Burke ont été formés. Et puis, la même année, Parlind mettait sur pied The Swedish Art Rock Society. Tout ça pour vous dire que pendant 2 heures, on va écouter un peu, c'est probablement de la nostalgie, mais bon, enfin, on va retourner à ce que Jan-Erik de Anecdoten me disait, l'âge d'or de la troisième vague de rock progressif, c'est-à-dire les années 90. Et puis je vous disais tantôt, nous, et oui, parce que ce soir, j'ai Marc avec moi. Bonsoir Marc. Bonsoir Michel et bonsoir chers auditeurs et auditrices. Oui, effectivement, Michel, j'ai aussi un très bon souvenir du début des années 90, alors que plusieurs formations nous présentaient ce qui était le renouveau du rock progressif à ce moment-là. Effectivement, on avait eu la chance de voir Anecdoten et Discipline au Bar Le Dauteuil. Et on a des albums qui restent encore aujourd'hui des grands albums tels que Anklagard et leur premier album Ibris, également Parlin Project. Mais tu as un autre groupe aussi très important, Michel, que tu as programmé dans ce premier bloc musical? Oui, tout à fait, Marc. D'ailleurs, tu me parles du concert d'Anecdoten sur lequel j'ai eu le plaisir de travailler en 1995 et on peut pas passer à côté de Vemod, le premier album de Anecdoten. C'est un des disques emblématiques de ce renouveau suédois. Et c'est ce qu'on va écouter dans quelques instants avec aussi Parlin Project et Anklagard. Et on y va avec Anecdoten de l'album Vemod. Thank you. weekend in the unfolding season of blue. Arise, we shall see, and melt into its colors. Stretching our arms like the branches wide, we all soon personify the summer. All spring we lay sleeping inside the vagged embryo buds, all waiting for the sun chariot to finally reach us and open up a closed eyelids to see the sky and hear the tunes played by the thorn. Looking for fulfilling green meadowlands, their vows to join hands to form the completing lion circle. Blossoms flame to devour every creature and form. Static shades of the air. Upon the naked boughs hang the icicle sorrows, reflecting all the sad faces staring in hollowness. Every rightful item shall stretch out its dark under the blessing of rock. Thank you. 91. Hey Jessica, qu'est-ce qui se passe avec notre événement de financement de CKRL? Comment déjà le téléthon? Le radiothon. Ah, ben oui, le radiothon. Justement, Caroline, on dévoile les dates du radiothon ce mercredi 28 avril, 16h, en présence de nos porte-paroles artistiques et affaires. Ah oui, c'est qui donc? Je joue un peu l'homme un peu perdu dans le jardin des délices. Tu es bien curieuse derrière ton masque, Caroline. Ben, il faudrait être branché le 28 avril. À 16h à CKRL, mais aussi en direct sur Facebook. OK, et quel sera l'objectif financier? On le dévoilera aussi le 28 avril. Oh! C'est un rendez-vous. Donc voilà, c'est un plaidoyer pour l'amour de soi-même. Chaque mercredi à 23h30, ne manquez pas Arcade Québec, une présentation de 42 Québec. Tu aimerais apprendre à coder, mais l'idée d'un retour aux études te semble impossible? On t'offre une formation en informatique de haut niveau gratuite, flexible et sans prérequis dans un campus à la fine pointe de la technologie. Tu pourras y accomplir des projets selon tes intérêts, à ton rythme. Découvre-en plus sur 42québec.com. On poursuit notre spécial scandinave et en fait, j'aurais quasiment goût de vous dire notre spécial suédois parce qu'il va y avoir une seule exception ce soir. Et ça vient de Norvège, White Willow. Tout le reste, c'est tous des groupes suédois. Je vous parlais tantôt d'Anglagard qui a lancé Ibris en 1992, Anecdoten Vemod en 1993. Il manque un groupe pour compléter le Triumvirat, un peu comme à l'époque du début des années 70 en Italie avec PFM, Liormé et Banco. Eh bien, le Triumvirat suédois du début des années 90, c'est Anglagard, Anecdoten et Landberg, qui a présenté un premier album aussi en 1992, Iktik Ekta. Et le disque a été chanté en suédois, a été repris avec des paroles en anglais, bon, les pièces réenregistrées et lancées la même année sous le titre de Lonely Land. Donc, 1992, une autre étape. Et à la même époque, un autre groupe aussi présentait son tout premier disque, mais lui est passé un peu inaperçu. Mask, le disque a porté cette Flesh That Understand, et ça c'est paru en 1992, même année que Landberg et Anglagard. Et ben écoutez, Landberg, ça me fait vraiment plaisir d'en présenter. Je pense que j'ai comme quelques atomes crochus avec ce groupe-là. J'adore le guitariste le Reince Fisk et j'aime tous les albums, même le dernier que certains apprécient pas, moi je l'aime. Je sais pas Marc, si toi t'as un album de Landberg préféré. Celui que je connais bien de Landberg, moi, c'est Unaffected, un album qui avait été enregistré en spectacle en Italie et qui est paru en 95. Et il y avait sur ça, d'ailleurs, une reprise d'une pièce de Van der Graaf Generator, un de mes groupes préférés, comme vous le savez certainement. Et mais pour l'autre groupe que tu vas présenter, Mask, moi, je connais pas du tout cette musique-là, alors ça va être une découverte. Et je crois que tu as un autre groupe pour la fermeture de ce deuxième bloc? Ben en fait, je pense qu'on peut parler d'un groupe et pas en même temps. C'est l'embryon d'un groupe. Vous allez comprendre, je parle de Ryan Stolt et de son cinquième album solo qui a pour titre The Flower King. C'est ce qui va jeter les bases pour le groupe The Flower King. Ryan Stolt arrive dans le décor, lui, en 1994 avec son cinquième album solo. Les quatre autres sont plus... pas très prog, disons, plutôt pop et autre chose, c'est pas... Mais par contre, Ryan Stolt est déjà un vétéran, puisqu'il a fait partie dans les années 70 du groupe Kaipa. En fait, il s'est joint au groupe en 1974, il a contribué aux trois premiers albums du groupe, et il a quitté en 1979, et la même année, il a proposé son premier disque solo, Fantasia. Et ben c'est ça, c'est un vieux routier, mais il arrive quand même après Anecdoten et Anglagard dans le décor deux ans après Anglagard. Et ben son premier disque solo, The Flower King, va vraiment créer une onde de choc positive. C'est un disque d'une qualité remarquable et qui va comme lancer vraiment Stolt là, dans le monde, ou qui va le relancer plutôt, parce qu'il avait déjà quand même évolué dans le monde du rock progressif. Et puis, ben, on sait ce qui est arrivé par la suite, une des figures de proue du mouvement. Et ben, c'est ça, nous, on en parlait tantôt, mais là, on va l'écouter, Landberg, de l'album Lonely Land, qui est un peu comme remodelé du premier disque qui est apparu, chanté en suédois, Ektik Ekta. Mais les deux sont parus en 1992, en même temps, quasi. Et ben, c'est ça, on écoute un extrait de cet album, Lonely Land. As much as you try, I will not live out your life. As I decide my own fate, to leave now before it's too late. Thank you. falling into a dream. All I need is a heart where it all can begin. It's just a matter of time, it's just a matter of trust. It's just a matter of faith when we all sleep in the dust. Of it all, it's the cycle of all living. Hear the children call. We believe in life, we believe in love, every precious little thing. We believe you can still surrender, you can serve the flower king. And red. See all the beautiful shades flowing out of my head. It's just a matter of time, it's just a matter of trust. It's just a matter of faith, we all sleep in the dust. Of it all, it's the cycle of all living. Hear the children call. We believe in life, we believe in love, every precious little thing. We believe you can still surrender, you can serve the flower king. We believe in the heart, we believe in healing, in the house where angels sing. Serve the flower king. CKRL, communication, culture. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration, trouble du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec. Éclatez-vous avec le clap à la maison. Profitez de notre service de cueillette au clap de Loretteville et de Place Sainte-Foy et dégustez le meilleur maïs éclaté à la maison. Passez votre commande au resto.cinemaleclap.ca. CKRL 89.1 Québec. Je vous parlais tantôt de l'exception norvégienne, et c'est White Willow, et c'est ce qu'on va, on va l'écouter, de leur premier essai paru en 1995, Ignis Fatuus. On aura aussi au menu Flower King, de l'album Back in the World of Adventure, le premier album officiel du groupe. Et puis, ben, on aura aussi deux découvertes que j'avais faites en 95 et 96, un groupe qui a pour nom Simon Says de l'album Siwon, et puis un autre groupe que j'ai beaucoup aimé, Twinage, de leur premier essai Month of the Year. Je sais pas, Marc, si tu es familier avec ces deux groupes-là, Simon Says et Twinage. Mais pour ma part, de Simon Says, je connais surtout des albums plus récents comme Tardigrade, paru en 2008, et également des contributions à des albums concept comme Kalevala. Par contre, Twinage, je les connais bien, surtout donc leur album Months of the Year et Lialim Eye, paru respectivement en 1996 et 97. Vraiment excellent. Alors, on y va donc en musique, Michel, avec? Eh bien, avec Twinage, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis mon préféré, je te dirais que c'est le premier, Month of the Year, quoique le deuxième est loin d'être vilain. Et on y va avec donc Twinage de l'album Month of the Year. Play the role and name the perfect. Touch my eyes with naked hands. The empty sound will rise from golden halls again. Let me travel on in time. What you named was left behind. The foreign place of active secrets where I would find a home. Thank you. dust of life will hide from me the mournful tides. Let me be that face in time, formed you late, the perfect mind. The inner way will be my guide and lead me in decline. Thank you.

a man stood, a wandering monk for sure, draped in a hood, alone upon the moor. He said to us all, seek and you shall find. He said to us, go, there's wealth that's left behind. The act of will of our holy guest. Grains of sand in the wind, we journey through lands forgotten by man. No one telling us. CKRL. Hey Jessica, qu'est-ce qui se passe avec notre événement de financement de CKRL? Comment déjà le Téléthon? Le Radiothon. Ah, ben oui, le Radiothon. Justement, Caroline, on dévoile les dates du Radiothon ce mercredi 28 avril, 16h, en présence de nos porte-paroles artistiques et affaires. Ah oui, et c'est qui donc? Je joue un peu l'homme un peu perdu dans le jardin des délices. Tu es bien curieuse derrière ton masque, Caroline. Ben, il faudrait être branchée le 28 avril. À 16h à CKRL, mais aussi en direct sur Facebook. OK, et quel sera l'objectif financier? On le dévoilera aussi le 28 avril. Oh! C'est un rendez-vous. Donc voilà, c'est un plaidoyer pour l'amour de soi-même. Es-tu né pour coder? 42 Québec est une nouvelle formation en informatique gratuite et sans prérequis qui te permettra d'accéder à une foule de métiers. Accomplis des projets à ton rythme avec des passionnés comme toi, en plus d'être connecté sur le marché du travail grâce à nos entreprises partenaires. 42 Québec, c'est la nouvelle façon d'apprendre. Pour en savoir plus, visite le 42québec.com. Eh bien, c'est déjà notre dernière demi-heure, Marc. Je pense qu'on va se gâter, donc, pour clore cette émission avec Lan Burke, un extrait de l'album One Man Tells Another, puis on aura aussi Angle à garde, épilogue. Mais écoute, Marc, je pense qu'on va récidiver. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce regard dans le rétroviseur, et je pense qu'il va y avoir une suite à cette émission scandinave. Thank you. We'll be right back. Eh bien, nous sommes déjà rendus à la dernière pièce de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute et nous vous invitons à nous revenir la semaine prochaine. Alors, Michel, avec quelle pièce allons-nous terminer notre soirée? Eh bien, avec Anecdoton, un extrait de l'album Nucleus. C'était Michel Bilodeau et Marc Chaunet avec vous depuis 22 heures. C'est le temps de vous laisser, mais restez des nôtres car l'autoroute suit dans quelques instants.